L'enchaînement était presque inévitable. C'était une sorte de machine infernale qui était lancée et elle ne s'arrêterait qu'avec la chute de celui qui l'avait fait démarrer, Richard Nixon. La semaine passée, dans la première partie de ce long entretien, M. X m'a raconté comment peu à peu, le président américain avait été amené à commander des actes illégaux. Résumons. Au début, il y a un président républicain qui, malgré une incontestable popularité, craint de ne pas être réélu en novembre 72 et qui est prêt à utiliser des moyens peu avouables pour espionner ses adversaires démocrates. Mais il y a aussi un homme qui possède une authentique carrure d'homme d'État et qui mène une politique étrangère audacieuse. Décidé à mettre fin à la désastreuse guerre que les États-Unis conduisent au Vietnam, Nixon amorce aussi une politique de détente avec le bloc de l'Est en signant un accord de limitation des armements avec l'URSS. Et il est aussi le premier président américain à établir des relations avec la Chine de Mao. Toutes ces initiatives sont précédées par d'intenses et très secrètes manœuvres diplomatiques. Or, des fuites se produisent. Richard Nixon a le sentiment qu'on essaie de saboter sa politique. Il veut savoir, il veut découvrir d'où viennent ces fuites. C'est ainsi qu'il demande à ses collaborateurs les plus proches de monter une cellule d'action et d'espionnage composée essentiellement d'anciens des services secrets. Ce sont des membres de cette cellule qui se feront pincer dans l'immeuble du Watergate, QG de la campagne des démocrates. L'enquête remontera progressivement jusqu'à la Maison-Blanche et Nixon finira par être contraint à la démission. Mais M. X l'a clairement laissé entendre, le président américain est peut-être tombé dans un piège. Un mot encore, si vous voulez bien, avant de voir dans le détail l'activité de cette cellule d'espionnage directement pilotée par la Maison-Blanche. Les fuites dans la presse continuent et l'exaspération de Nixon s'accroît. Le président, qui était naturellement paranoïaque, croit à l'existence d'une vaste conspiration dirigée contre lui. D'après ce que vous m'avez laissé deviner, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. C'est vrai, mais il ne comprendra pas qu'on veut à tout prix le pousser à la faute. Et finalement, il sera broyé par cet engrenage qu'il a lui-même actionné. Parce qu'à partir du moment où il a donné l'ordre de créer cette cellule de salopards, il a été condamné. Au départ, je vous le rappelle, il s'agit de découvrir l'origine de ces fuites préjudiciables à sa diplomatie secrète. Nixon aurait pu faire appel au service du FBI ou de la CIA. Oui, mais il ne leur fait pas confiance. Il crée donc une organisation parallèle et clandestine à qui il va confier l'exécution de coups tordus. Et bientôt, il ne sera plus seulement question de découvrir d'où viennent ces fuites, mais de démolir ses adversaires politiques par tous les moyens, y compris les plus détestables. C'est ça l'engrenage. Ouais. Sans compter que tout ça, ça coûte très cher et qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Où justement ? Et vous pensez bien que les fonds destinés à financer ces actions illégales ne peuvent pas provenir directement de la Maison Blanche. Par conséquent, les conseillers de Nixon doivent trouver des sources de financement. De l'argent sale, quoi. Évidemment. C'est ainsi que les hommes de la Maison-Blanche vont rassembler un véritable trésor de guerre destiné tout autant à la campagne électorale de Nixon qu'au financement des coups tordus qu'il va ordonner. D'accord, mais comment ça fonctionne ça? C'est très simple. Il y a d'abord les donations faites par les riches, très riches amis de Nixon, le milliardaire Howard Hughes, pour ne citer que lui. Des donations légales? Non, parce qu'elles avaient été faites contre la promesse que leur démêlé avec la justice ou l'administration serait aplani et qu'elles enfreignaient les lois sur le financement des campagnes électorales. Ensuite, des grands groupes avaient été sollicités. Et là encore, c'était donnant-donnant. Donnez-moi un exemple alors. ITT, le géant du téléphone et de la communication. Un groupe qui était très lié à la politique étrangère des États-Unis et qui pouvait même servir de courroie de transmission à la CIA quand il s'agissait de financer les opérations clandestines. Au Chili en particulier. Exact. Au début des années 70, ITT est en conflit avec l'administration antitrust à propos de l'acquisition de 3 sociétés. Nixon met tout son poids dans la balance et finalement le groupe obtiendra en partie satisfaction. Controversement, non? Une importante contribution à la campagne électorale de Nixon. Oui, naturellement. C'est de la corruption. Oui. Et malgré le fait qu'on fait tourner l'argent suffisamment longtemps dans les banques pour effacer son origine, ça laisse forcément des traces. Surtout quand le président est intervenu personnellement dans l'affaire. Et l'affaire ITT sera un boulet supplémentaire pour Nixon. La presse en fera ses choux gras. Alors, venons-en au coup tordu monté par la cellule de la Maison-Blanche. Et quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à la cellule de l'Élysée. Vous avez raison, il y a quelques ressemblances. Ben, enfin, à la différence près que cette cellule élyséenne avait une existence légale, même si elle utilisait parfois des moyens illégaux. Ouais, comme les écoutes téléphoniques. Ouais, enfin, passons si vous le voulez bien. Ouais. Il y avait déjà un certain temps que la Maison Blanche usait de procédés douteux contre les démocrates. Avec la cellule créée par les conseillers spéciaux de Nixon, on va passer à la dimension supérieure. Attendez, ces procédés douteux, là... Oh, ça s'apparentait surtout à des farces de collégiens. Ah, oui. Des collégiens un peu pervers qui distribuaient de la fausse propagande électorale ou qui semaient la confusion lors des déplacements des candidats en fabriquant de faux itinéraires. Plus graves étaient les rumeurs sur la vie privée de certains dirigeants démocrates. Rumeurs qui étaient complaisamment répandues dans la presse. Ouais, une drôle de farce, quand même. Certainement. Mais nous avons connu ça aussi chez nous. Ouais. Mais dites-vous... Avec les gens de la cellule, ça va prendre une toute autre dimension. Oui, oui, les maîtres d'œuvre qui travaillent directement sous les ordres des conseillers de Nixon sont Howard Hunt et Gordon Liddy. Ces deux hommes dont je vous ai déjà parlé et qui sont les promoteurs de l'effraction ratée dans l'immeuble du Watergate. Ouais. Hunt, rappelons-le, hein, est un ancien de la CIA. Et il est officiellement employé dans une société qui sert de couverture à la CIA. Et l'autre, Liddy, est un ancien du FBI. C'est juste. Il y a aussi un troisième homme qui sera pincé au Watergate, McCord, un ex-agent de la CIA, nommé chef de la sécurité du CRP, le comité pour la réélection du président. Il va jouer un rôle très curieux dans cette affaire. Enfin, nous en parlerons. Hunt, donc, et Liddy commencent par recruter des spécialistes à travers tout le pays. Quel genre de spécialistes ? Bon, on y trouve de tout, des serruriers, des photographes, des électroniciens, des hommes de main, et cerise sur le gâteau, quelques prostituées. J'ajoute que tous ces gens-là ont déjà fricoté avec les services secrets. Ouais, mais que faire avec tous ces spécialistes-là ? Hunt et Liddy mettent au point un véritable plan de bataille contre les démocrates. Nom de code, Gemstone. C'est-à-dire pierre précieuse. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque partie de ce plan porte un nom de pierre précieuse. Non, c'est charmant, mais vous pouvez détailler ? Là, ça serait peut-être un petit peu fastidieux. Enfin, je vous donne seulement quelques exemples, si vous voulez bien. Il est par exemple question de former des groupes violents d'inspiration nazie pour se glisser dans les manifestations démocrates hostiles au président. Autre chose, l'interception des communications des démocrates. Ouais, des systèmes d'écoute, quoi. Hunt et Liddy envisagent même d'équiper des avions espions. Enfin, plus classique, l'infiltration d'espions et l'utilisation de prostituées pour recueillir quelques confidences sur l'oreiller. Ouais. Enfin, les deux hommes proposent d'envoyer un commando de cubains anticastristes saboter le système de climatisation du bâtiment de Miami, où doit se réunir en plein été la convention démocrate. J'imagine que l'effraction du Watergate, hein, qui a pour but de photographier des documents et de poser des micros, fait partie de ce plan. C'est certain. Et tout cela doit coûter très cher. Mais oui, à la Maison Blanche, on va demander à Hunt et à Liddy de revoir leur plan à la baisse, bien qu'on y dispose d'un gros trésor de guerre. Mais il reste que dans les grandes lignes, ce plan est approuvé par les conseillers de Nixon, et donc par le président lui-même. Oui, mais est-ce qu'il va être appliqué ? Il va commencer à l'être, oui. Mais la bévue du Watergate en juin 1972 va tout remettre en question. Enfin, quand je dis bévue... Ah, parce que vous insinuez que ça n'en est peut-être pas une. Moi, j'en suis intimement persuadé. Des vrais pros comme l'étaient ces hommes aguerris ne se seraient pas laissés surprendre ainsi. Mais j'ai déjà exprimé mes doutes au début de cet entretien, donc je n'y reviens pas. Mais, vous ne pouvez tout de même pas en rester là, vous en avez trop dit. Enfin, alors, bon, est-ce qu'il y avait un traître dans cette équipe ? Ah, ça, c'est tout à fait possible. Et si je devais choisir, je parierais sur McCord. Et pourquoi ? Disons une intuition. On ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait que cet homme expérimenté, ce baroudeur, ce vétéran de l'espionnage, sera le premier à craquer et à révéler une partie de la vérité à la justice. D'autre part, je note que, contrairement à ses co-accusés, McCord ne restera que 4 mois en détention. Petite beauté. Donc vous pensez que c'était peut-être une sorte d'agent double ? Ah, c'est une possibilité, à moins, et c'est encore plus vicieux, qu'on ait misé sur sa rigueur morale. Expliquez-moi, ça signifie quoi, ça ? McCord avait la réputation d'être très croyant et aussi très honnête. Un espion honnête. Et pourquoi pas ? Alors, on a sans doute estimé que devant un magistrat, le scrupuleux McCord n'oserait pas mentir et lâcherait tout. Dans un livre passionnant, Nixon et le Watergate, paru chez Hachette, Claude Moisy raconte par le menu le plan qui avait été établi par Hunt et Liddy pour lutter clandestinement contre les démocrates. Les deux hommes demandent d'abord $1 million, mais les conseillers de Nixon et John Mitchell, encore attorney général, c'est-à-dire ministre de la Justice et bientôt chargé d'animer le comité pour la réélection de Nixon, trouvent ça trop cher. Ils demandent un nouveau plan. Moisy raconte la suite. Le 4 février, lorsque Liddy retourne devant Mitchell, l'essentiel est sauvegardé. Les espions, les contre-manifestants, les cambrioleurs, les interceptions de communication et les prostituées. Je vais réfléchir et je vous donne ma réponse, lui dit l'attorney général. En fait, s'il ne donne pas son accord tout de suite, c'est qu'il a encore un fond de bon sens qui lui dit que tout cela relève davantage du roman d'aventure que de la conduite réelle de la politique dans une grande démocratie. Mais, comme tous ses subordonnés, il est sensible aux signes d'impatience et d'agressivité qui viennent de la Maison-Blanche. Nixon lui-même ne perd pas une occasion de leur dire que le renseignement et le discrédit de l'adversaire sont les clés de sa réussite. Pourtant, Mitchell tergiverse et demande une nouvelle révision du projet à la baisse. Finalement, le 30 mars, au cours d'une réunion qu'il préside, un troisième plan d'action clandestin proposé par Liddy pour un coût de 250 000 dollars est approuvé. Mitchell le niera toujours, mais plusieurs autres seront formels. C'est ce jour-là que Jamestown est devenu partie intégrante de la campagne pour la réélection de Nixon et qu'ils ont été autorisés à en payer les frais à Liddy. Passons sur le déroulement du cambriolage, puisque nous en avons déjà parlé, c'est la suite qui est intéressante. Il n'est bien sûr plus question d'appliquer le plan Hunt et Liddy. D'ailleurs, les deux hommes vont bientôt être arrêtés, non. Le problème pour la Maison-Blanche, ça va être de construire digue après digue pour éviter que Nixon ne soit directement impliqué. Mais comment expliquer que l'affaire du Watergate ne joue pas un grand rôle, hein, au fond, dans la campagne électorale qui va voir le triomphe de Nixon en novembre 72? Mais d'abord, Nixon est auréolé de ses succès en politique étrangère. La paix est proche au Vietnam et les boys rentrent à la maison. Ils ne sont plus que 50 000. Mais au lieu de 500 000 sous Johnson. Il y a moins de morts aussi. D'autre part, l'opinion américaine n'est pas vraiment informée. Et quand elle l'est, elle considère que l'affaire du Watergate n'est pas très importante. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'un parti politique essaie d'espionner son adversaire. Puis enfin, il y a la personnalité du candidat démocrate. McGovern est jugé trop radical, c'est presque un gauchiste. Encore que gauchiste aux États-Unis. Vous avez raison, quoi qu'il en soit, Nixon triomphe aisément. Et paradoxalement, c'est après cette élection facile qu'il va connaître ses premiers vrais ennuis. Mmh. Car jusque-là, hein, rappelons-le, il s'est contenté de nier. Bien entendu. Et notez-le bien, ce qui est farce dans cette histoire, c'est que Nixon n'avait nul besoin d'utiliser des méthodes de voyous pour assurer sa réélection. Il aurait gagné, n'importe comment. Mais l'homme était ainsi fait. Et puis, au moment où le plan Hunt-Liddy a été établi, Nixon pouvait encore craindre que Ted Kennedy soit candidat. Ouais, il avait déjà été battu en 1960 par un autre Kennedy. Les Kennedy, chez lui, c'était une obsession. Il les haïssait. Et d'ailleurs, au cas où Ted aurait été le candidat démocrate, il était prévu que les hommes de la cellule de la Maison-Blanche confectionnent un dossier sur lui. Sa vie privée. Bien entendu. Ouais. Mais Nixon cherchait aussi à tout prix des documents de la CIA impliquant John Kennedy dans l'assassinat du président vietnamien Diem. C'est dire à quel point il détestait ce qu'il appelait la nébuleuse Kennedy, tous ces types de la côte Est, snob et riche à millions. Ouais. Revenons à ce que vous disiez là. Nixon qui construit digue après digue, pour reprendre votre expression, en quoi ça consistait ça? Eh bien, d'abord, il ment, il s'indigne. Comment le président des États-Unis d'Amérique pourrait être mêlé à un cambriolage aussi minable? Puis, quand la meute se rapproche, il va sacrifier peu à peu ses collaborateurs. Et les premiers, ce sont les plombiers du Watergate. Et leur chef direct, Hunt et Liddy, ils ont été arrêtés et la Maison-Blanche a largement puisé dans son trésor de guerre pour qu'ils se taisent. Avec, m'avez-vous dit, une promesse de pardon présidentiel à la clé? Oui, leur procès commence au début de 1973. A priori, Nixon n'a pas à se faire trop de soucis. Le juge est un républicain convaincu. Et 5 des 7 accusés ont décidé de plaider coupable. Ah oui, c'est-à-dire que selon la loi américaine, il n'y aura pas de véritable procès. Enfin, il y avait les deux autres, là. Liddy et McCord. Mmh. Oui. Le premier est fanfaronne, plaisante, il est à peu près certain qu'il ne parlera jamais. Le second est plus inquiétant, il s'enferme dans un silence total. Ah, mais pour ne pas être obligé de mentir. Sans doute. Mmh. Le juge les déclare donc coupables, les remet en liberté sous caution et annonce que l'audience de condamnation n'aura pas lieu avant 2 mois. Enfin, le temps d'y voir plus clair. Ouais, et d'obtenir des éléments nouveaux, peut-être. Oui, enfin, Nixon ne s'inquiète toujours pas. Fin janvier à Paris, l'accord de cessez-le-feu au Vietnam a été enfin signé. Avouez que c'est quand même plus important que le Watergate. Ça, je vous l'accorde, oui. Richard Nixon est donc au zénith de sa popularité. Mais il commet une erreur fatale en s'attirant l'hostilité du Congrès. Le Congrès qui est en majorité démocrate. Nixon, fort de son énorme succès électoral, entend gouverner sans se soucier des parlementaires. La réponse du berger à la bergère ne tarde pas. Les sénateurs décident de mettre leur grain de sel dans cette sombre affaire du Watergate. Oui, sous quelle forme? Mais les sénateurs votent à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur le Watergate, mais aussi sur toutes les activités d'espionnage commises à l'encontre des démocrates pendant la dernière campagne électorale. Quand vous dites que les sénateurs ont voté à l'unanimité, ça signifie que des républicains aussi ont approuvé la création de cette commission. Et quand il apprend ça, Nixon, vous l'imaginez, foudrage. J'ajoute, c'est très important, qu'aux États-Unis, les commissions d'enquête parlementaire jouissent de pouvoirs considérables et peuvent mener de véritables investigations. Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour la Maison Blanche. Ah bon, quoi d'autre? Le procureur qui a requis au cours du procès des plombiers se ravise. Soumis à de nombreuses critiques, il se rend compte qu'on ne peut pas en rester à la condamnation de ces seuls plombiers. Et il annonce son intention de poursuivre l'enquête. L'étau se resserre, là. Incontestablement. Et maintenant, ça apparaît clairement. Autant les magistrats que les parlementaires lorgnent du côté de la Maison Blanche. Quelle est la réaction de Nixon? Il réagit très mal, avec beaucoup de maladresse en tout cas. Au nom de la séparation des pouvoirs, il refuse que la commission sénatoriale entende ses collaborateurs. Il invoque le principe qui veut que le pouvoir exécutif n'a pas d'explication à fournir aux deux autres pouvoirs, le législatif et le judiciaire. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, en effet. Bon. De toute façon, Nixon appuie, lui, sa thèse sur le fait que son devoir est de protéger la sécurité nationale et la confidentialité qui doit entourer l'exercice du pouvoir. Ça n'a pas dû améliorer ses rapports avec le Congrès. Non, les parlementaires sont furieux et menacent d'arrêter pour outrage au Sénat les hommes de la Maison-Blanche qui ne déféreraient pas à leur convocation. Et puis, les sénateurs ont dû se dire que, décidément, Nixon avait quelque chose à cacher. Bien évidemment. C'est donc l'épreuve de force. Et petit à petit, tout va se déliter. Tandis que la presse, et surtout le Washington Post, pour qui deux enquêteurs, Woodward et Bernstein, travaillent à plein temps sur l'affaire, vont multiplier les révélations. Ouais. Grâce à ce mystérieux gorge profonde dont vous me parlerez sans doute à la fin de cet entretien. Je vous le promets. Non. La tuile suivante pour Nixon, c'est l'audition par le Sénat du directeur du FBI, Patrick Gray. Une audition normale, car Gray n'est directeur qu'à titre provisoire. C'est le Sénat qui doit ratifier sa nomination. Et le Sénat va être tenté de lui poser des questions sur l'affaire du Watergate. Vous avez tout compris. C'est le FBI qui a mené l'enquête sur les plombiers du Watergate. Et au fur et à mesure de son audition, Gray va être amené à faire des révélations très embarrassantes pour la Maison Blanche. Pourquoi là, il craque? Il veut sortir d'affaire. Et si il lui reste la moindre chance d'être nommé directeur du FBI, il sait qu'il ne peut pas mentir au sénateur. Alors que va-t-il révéler? Il dit en particulier que tout au long de l'enquête des agents fédéraux, à la demande du conseiller juridique de Nixon, John Dean, il a transmis une copie de tous les procès-verbaux à la Maison-Blanche. En toute illégalité, bien sûr. Et les sénateurs, assez effarés, comprennent que la Maison-Blanche voulait être informée afin de préparer des pare-feux. Mais ce n'est pas tout. Patrick Gray finit aussi par avouer que les avocats du comité pour la réélection de Nixon ont constamment fait obstacle au déroulement de l'enquête sur le Watergate. Petite parenthèse, j'imagine que Patrick Gray a été la première victime de cette audition. Il ne pouvait pas en être autrement. Et Nixon n'a pas insisté. Il a retiré la candidature de Gray à la direction du FBI. Et Nixon était forcément la deuxième victime. Car il allait peu à peu se trouver en première ligne. Et il lui fallait se séparer au plus vite de tous les membres de son entourage qui avaient été mêlés à cette affaire. Mais ça ne lui portera pas chance, car le pire était à venir. Bientôt, Richard Nixon va en effet devoir faire face à un nombre impressionnant d'accusations. Claude Moisy, que j'ai cité plus haut, les a recensées dans un article du Monde de 1994. Les voici. Recours par la Maison Blanche à des écoutes téléphoniques pour tenter de trouver l'origine de fuites de documents confidentiels. Confection de faux documents d'archives pour tenter d'impliquer John Kennedy et son frère Robert dans l'assassinat du président sud-vietnamien Diem lors d'un coup d'État en 1963. Création à la Maison Blanche d'une équipe de plombiers qui, pour tenter de discréditer Daniel Ellsberg, responsable de la publication des fameux Pentagon Papers dans la presse en 1971, ont cambriolé le bureau de son psychiatre. Pression répétée de la Maison Blanche sur l'administration des contributions pour qu'elle poursuive de sa vigilance des personnalités figurant sur la liste des ennemis personnels du président. Pression faite par la Maison Blanche sur le FBI et la CIA pour qu'ils étouffent les enquêtes sur le cambriolage du Watergate au nom de la sécurité nationale. Innombrables contributions illégales au financement de la campagne électorale de Nixon, dont certaines en provenance d'entreprises ou d'hommes d'affaires et ayant maille à partir avec la justice. Plusieurs affaires de pots de vin touchant des ministres ou des conseillers du président, fausses déclarations fiscales de Nixon, utilisation de fonds publics pour l'amélioration des résidences privées acquises par Nixon en Californie et en Floride. Quand vous dites que ça ne va pas porter chance à Nixon de se séparer de ses collaborateurs les plus proches, c'est parce que ceux-ci vont se venger en parlant? Oui. L'un, surtout, ce John Dean qui avait suivi l'affaire de très près. Avec les autres, Haldeman, secrétaire général de la Maison-Blanche, Ehrlichman, conseiller aux affaires intérieures, Kleindienst, le ministre de la Justice, il est débarqué à la fin du mois d'avril 1973. Quelques semaines plus tard, il témoignera devant la commission d'enquête sénatoriale et ce sera désastreux. Désastreux pour Nixon, vous voulez dire? Oui, il faut dire que le feu est dans la maison depuis un bout de temps, hein, depuis le mois de mars exactement. Depuis le mois... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce McCord dont nous avons parlé. Oui, ce plombier honnête. C'est à moins qu'il n'était à Jean Doux. Oui. Après s'être muré dans le silence, il commence à parler. À la fois devant le juge et les sénateurs. Mais que dit-il justement? Il affirme qu'il a agi sur ordre des conseillers de la Maison Blanche et de John Mitchell, le patron du comité pour la réélection. Et il laisse clairement entendre que le cambriolage du Watergate n'était qu'un élément parmi d'autres d'un vaste plan. Oui, ce fameux plan, là, James Stone, pierre précieuse. Oui, un plan d'espionnage et de sabotage de la campagne électorale démocrate. Aussitôt, Nixon sent le danger. Et il revient sur sa décision d'interdire à ses collaborateurs de témoigner tout en continuant à mentir à la télévision comme un arracheur de dents. Mais il est trop tard. Les vannes sont ouvertes. Et John Dean, donc, à son tour, va parler. Oui. Mmh. Oui. Et lui, il sait tout. Parce qu'il agissait directement sous les ordres de Nixon. Et il savait donc que tout procédait du président. Bien sûr. Alors, contre la promesse d'une impunité partielle, il décide de trahir son ancien patron. Et il va même jusqu'à fournir au sénateur une copie du plan pierre précieuse. La lecture de ce plan doit provoquer un choc. Tout à fait. Les sénateurs sont atterrés. Le président de la commission ira même jusqu'à dire « Mais ce sont des méthodes dignes de la Gestapo ». C'est donc le sauf-qui-peut général? Oui, chacun essaie de s'en tirer le mieux possible, car tous ces hommes risquaient très gros, des années et des années de prison. Ouais. Mais face à toutes ces révélations, alors la position de Richard Nixon doit devenir intenable. C'est certain. Toutefois, le président américain est un battant. Et s'il cède peu à peu, il continue à s'arc-bouter. Oui, s'arc-bouter, c'est-à-dire? Eh bien, il finit par avouer que si des membres de son entourage ont bien été mêlés à cette affaire, lui-même, grand Dieu, n'en a jamais rien su. Ah oui, on a agi à son insu, c'est ça? C'est ça, oui. Et il en a été de même pour toutes les tentatives d'étouffement de l'affaire. Ouais. Une ligne de défense périlleuse, hein, car ça tendait à faire croire que Nixon tenait très mal sa maison. Certes, mais au point où il en était, il n'avait plus grand-chose à perdre. Ah, sinon la présidence. Oui, c'est pourquoi sa défense était désespérée et presque pathétique. Songez qu'à la télévision, fin 73, il dira « On veut savoir si le président est oui ou non un escroc. Eh bien, je ne suis pas un escroc. » Et une fois de plus, il le niera toute implication dans l'affaire du Watergate. Ouais, quand même, tout cela ne peut pas durer très longtemps. Et pourtant, Nixon résistera encore plusieurs mois. Il va se battre bec et ongles, alors même que les accusations se font plus précises. Il y a d'abord cette histoire des bandes magnétiques que j'ai évoquée dans la première partie de cet entretien. Pour les sénateurs qui mènent l'enquête avec acharnement, c'est une sorte de miracle. Un miracle, racontez. Ils sont en train d'entendre l'un des collaborateurs de l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, Haldeman. La commission lui montre une note sur une conversation tenue entre le président et son conseiller juridique, John Dean. Le document est très précis, c'est du mot à mot. Et cette précision étonne les sénateurs. Alors, l'homme mange le morceau. Si cette note est si précise, c'est qu'elle est extraite d'un enregistrement. Ah, et c'est ainsi alors qu'on découvre que Richard Nixon enregistrait toutes les conversations qui se tenaient dans son bureau. Eh, le célèbre bureau ovale, oui. Le système était assez sophistiqué. Le magnétophone se déclenchait dès que les voix étaient audibles. Et m'avez-vous dit, les interlocuteurs du président ne savaient pas, eux, qu'ils étaient enregistrés? Bien sûr que non. Cette information, immédiatement rendue publique, va profondément choquer les Américains. Ces méthodes d'espionnage sont indignes d'un président. Ouais. Les sénateurs vont demander qu'on leur communique aussitôt les bandes. Hein. Oui, et Nixon est coincé. La commission sait maintenant que les bandes existent, il ne peut donc plus les détruire. On se demande pourquoi il n'a pas fait avant. Mais ça, c'est juste. Alors, une nouvelle fois, il va essayer de biaiser. Le président refuse d'abord de donner ses bandes magnétiques, toujours au nom de la sécurité nationale. Mais les sénateurs annoncent qu'ils vont mettre en route une procédure d'impeachment. C'est-à-dire une procédure visant purement et simplement à démettre le président. C'est ça. Alors Nixon cède en partie, livre quelques bandes à la commission. Mais les sénateurs s'aperçoivent que l'une d'elles a été expurgée à un moment crucial. C'est là même où Nixon s'entretenait de l'affaire du Watergate avec son secrétaire général. Nouvelle tempête. Et Nixon croit s'en sortir en publiant un gros volume de transcriptions des conversations qui ont été tenues dans le bureau ovale. C'est encore pire. Une vraie catastrophe. Les Américains découvrent un président manipulateur, grossier, violent et qui se croit perpétuellement entouré d'ennemis. Et surtout prêt à tout pour se dépêtrer de cette affaire du Watergate. 3 mois plus tard, en août 1974, pour ne pas être obligé d'être démis, il démissionnera. Alors, il est peut-être temps maintenant de me dire ce que dissimule cette affaire. Nixon a été piégé, avez-vous laissé entendre. Et l'une des premières clés, c'est la déposition devant la commission sénatoriale de William Colby, le patron de la CIA. Après avoir faim de tergiverser, Colby reconnaît que c'est bien la Maison Blanche qui a demandé à l'agence de fournir à Howard Hunt des faux papiers et du matériel d'espionnage. Ça signifie en tout cas que la CIA, à son tour, lâche Nixon. Hein? Oui, et je vais vous dire mon sentiment. Il y a longtemps que la CIA a décidé de lâcher Nixon, comme vous dites. Dès que certains agents haut placés de l'agence ont appris à l'occasion de cette demande de matériel que la Maison Blanche se livrait à des activités illégales, ils ont décidé de piéger Nixon. C'était d'autant plus facile que tous les plombiers du Watergate avaient déjà travaillé pour la CIA, ou travaillaient encore pour la CIA. Alors soyons clairs, vous pensez donc que c'est l'agence, la CIA, qui a saboté le cambriolage du Watergate ? J'en suis persuadé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet de McCord. Jamais un homme aussi expérimenté ne se serait laissé ainsi surprendre comme un vulgaire monte en l'air. D'autre part, je suis aussi certain que la suite a été pilotée par ces mêmes hommes de l'agence. Alors, Gorge Profonde aurait été également une créature de la CIA ? Je le pense. Et je vais vous donner une piste. L'un des plombiers en chef, Howard Hunt, travaillait, vous ai-je dit, pour une société de relations publiques qui était l'une des couvertures de la CIA. Le patron de cette entreprise était un certain Robert Bennett. Et c'était en quelque sorte l'officier traitant de Hunt. Oui, donc il connaissait exactement les activités de Hunt. Oui, il rendait compte régulièrement à la CIA. Mais pas seulement à la CIA. Bennett fréquentait aussi très discrètement le reporter du Washington Post, Bob Woodward. Alors, ce Bennett, c'est Gorge Profonde ? Ou l'une des Gorges Profondes, car il y en a certainement eu plusieurs. Alors bon, ce serait la CIA. Mais pourquoi certains hommes de la CIA désiraient-ils abattre Nixon ? Eh bien parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Rappelez-vous l'opération Hake. Ah oui, cette opération destinée à renverser le président indonésien Soekarno. Oui, hein, Nixon était alors vice-président et candidat à l'élection présidentielle. Contre Kennedy. L'opération avait capoté après qu'un pilote américain ait été abattu en possession de documents compromettants pour les Américains. Nixon, qui était le vrai maître d'œuvre de cette opération Hake, avait alors lâché les hommes de la CIA pour ne pas mettre en péril sa propre campagne électorale. À l'anglais, au siège de l'agence, on n'avait pas oublié. Et lorsqu'on a vu un moyen d'affaiblir Nixon, on n'a pas hésité une seconde. Une simple vengeance. Oui, c'est ce que je crois. Avec certainement l'appui de l'establishment de la côte Est, les Yankees, qui n'avaient jamais admis que ce cow-boy de Nixon s'empare du pouvoir et y place tous ses affidés. La thèse est séduisante et audacieuse. Mais je suis bien incapable de l'infirmer ou de la confirmer. L'un des acteurs de cette affaire, John Dean, le conseiller juridique de Richard Nixon, affirme enquêter depuis 25 ans afin de découvrir l'identité de Gorge Profonde. Il devait donner son nom cet été à l'occasion du 30e anniversaire de la démission de Nixon, mais il a renoncé, provisoirement, affirme-t-il. Je dois aussi dire que deux hommes ont été particulièrement soupçonnés. Alexander Haig, l'homme qui avait succédé à Robert Haldeman au secrétariat général de la Maison Blanche, et Earl Silbert, le procureur de l'affaire du Watergate. Enfin, il faut parler de l'épilogue. Nixon a été rapidement pardonné par son successeur Gerald Ford. Cette mansuétude a permis à Nixon d'échapper à la prison et à l'Amérique d'éviter de s'apesantir sur une affaire au relent décidément très nauséabond.